Nous allons parler aujourd'hui d'Alain Delon. Vous allez tout savoir de lui, de long, en large et en travers. Wow. Oui, car il en a des travers, comme par exemple cette manie qu'il a de parler de lui à la troisième personne. Non mais Alain Delon est-il idiot ou le fait-il exprès? Le fait qu'il ait vu le jour dans la ville de Sceaux est à mon avis un premier élément de réponse. Alors Alain Delon est né, on sait donc où, mais on ne sait pas quand. Oui, car comme Alain Delon est intemporel, il a fait effacer d'internet toute référence à sa date de naissance. Et là, il a été beaucoup plus loin que tous les comédiens qui en général mentent sur leur âge. Alors oui, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle l'âge du comédien. Ce n'est pas votre âge réel, mais c'est l'âge que vous estimez faire dans le regard des autres, et en particulier dans celui du directeur de casting. Bon, pour vous donner un exemple, moi mon âge de comédien c'est 27 ans. Voilà. Jean-Paul, t'exagères. Non, mais attends, quand je dis, je dis ce que je veux. J'en profite, c'est de la radio, je dis ce que je veux. Non, mais imagine qu'un directeur de casting écoute l'émission. Peut-être que je pourrais décrocher un rôle comme pote de collège de Kev Adams. Dont l'âge réel, soit dit en passant, lui est de 48 ans. Donc Alain Delon n'est pas né. Ce qui ne signifie pas qu'il est né recouvert de chapelure comme une vulgaire milanaise. Oui, car les milanaises sont vulgaires. J'en ai connu une, c'était une vraie salope. Elle me disait, retourne-moi dans les poils, envoie-moi la sauce. Mais je m'égare. Au gorille. Et il faut savoir qu'Alain Delon est né, ou plutôt pas né, de cour. Oui, car son vrai nom, c'était Alain de Cour. Ce qui fait qu'il ne tournait que des courts-métrages. Il décida donc de s'appeler Alain Delon pour tourner des longs-métrages. Ce qui, inévitablement, posa un problème. Ben oui, métrage. Comment voulez-vous mettre un âge quand vous n'êtes pas né? Il décida donc, pour pouvoir continuer à jouer, de mentir sur son âge. Et comme il n'a jamais voulu faire comme tout le monde, il indiqua qu'il avait 1000 ans. 1000 ans, le pays des escalopes. Tout se recoupe. Le premier qui trouvera une incohérence dans ma chronique, je peux vous dire qu'il n'est pas né. Alors bien qu'on ne connaisse pas sa date de naissance, je peux quand même vous dire qu'Alain Delon est du signe du poisson. Normal, me direz-vous, puisqu'il n'est pas né. Oui, je suis humoriste et donc je suis drôle. Pourtant, son animal préféré... Merci toi. Pourtant, son animal préféré n'est pas le poney, mais le lama. Pas Serge, mais celui qui sert à boire. Lama Delon va nous servir à boire. Bon. Oui, car il faut savoir qu'avant qu'Alain Delon ne passe de l'ombre à la lumière, il était militaire. Il appartenait à ce qu'on appelle la grande muette. N'ayant pas encore trouvé sa voix, son premier rôle fut donc de doubler en français Bernardo dans Zorro. Voyant cette performance, Gilbert Montagnier décida alors de le présenter à Luchino Visconti, qui lui donna le rôle de Rocco dans Rocco et ses frères. Vous me connaissez, je suis un professionnel qui respecte l'auditeur, j'allais pas écrire une chronique sur Alain Delon sans revoir tous ses films. J'ai donc commencé par le premier et tapé Rocco dans Google. Et bah figurez-vous qu'il en a fait plusieurs de Rocco. Oui, en plus de Rocco et ses frères, j'ai trouvé Rocco et ses sœurs. Rocco est bien monté. Alors j'ai bien vu le film trois fois, j'ai toujours pas compris où il était monté. Rocco à la plage, Rocco à la mer, Rocco à l'école, Rocco à la ferme. En fait c'est simple, vous prenez les titres des Martines, les livres, vous remplacez Martine par Rocco et il y a un film. Je les ai tous vus, je sais c'est une épreuve, mais j'y suis arrivé, à la force du poignet. Je suis donc en mesure de vous relever quelque chose, Alain Delon se fait doubler. Alors moi aussi en tant que comédien, mais uniquement sur l'autoroute pour l'instant. Alors sur les 240 films que j'ai visionnés, il se fait doubler dans 239 quand même. À un moment, la doublure d'Alain Delon est avec 8 femmes. Référence bien sûr à François Ozon. Eh ben je peux vous le dire que les os, ces comédiennes, elles ont des couilles, Thibaut. Non, là je me trompe. Non, là je me trompe de film. Il s'agit de Rocco au Brésil que j'ai prêté à Thibaut qui m'a toujours pas rendu d'ailleurs. Voilà. Ok. Non, Léa, on fait des films. Ouais. Il va falloir conclure déjà, mais j'ai à peine commencé. Mais comment parler d'un acteur aussi immense en quelques minutes? J'ai une idée, je vais en faire un film qui durera 24 heures et qui retracera sa vie. J'ai déjà le titre, ça s'appellera Le jour le plus de long. Voilà. Wow. Bravo Jean-Paul. Bravo.